Zorro. Bien qu'il soit près de 5h30 et qu'il ne reste plus qu'une heure avant qu'il ne fasse grand jour, l'obscurité est encore dense. Le maigre éclairage dispensé par l'enseigne du Novotel ainsi que la lueur anémique du lampadaire placé en bout d'allée, au croisement avec la route, ne permettrait même pas de lire les gros titres d'un journal. Le patrol et le pick-up sont tous deux garés sous le rond de l'entrée. Je le lui ai gentiment rappelé pendant le petit déjeuner expédié sur le pouce, mais Nathalie s'obstine à ne porter qu'un chemisier sport à manches courtes sur un pantalon de coton beige. Garde-robe dont je lui ai recommandé l'achat à Paris, ainsi d'ailleurs que tout le reste de son paquetage de brousse. Les séances d'essayage et nos fous rires me reviennent en flash juste avant qu'elle ne franchisse le seuil du hall. Le froid aigu du petit matin la saisit, elle frissonne. Sans un mot de commentaire, j'ôte mon blouson et le pose sur ses épaules. Il est un peu tard pour qu'elle récupère le sien. Nos bagages sont déjà chargés dans le patrol. Elle se retourne avec un petit sourire contrit. « Merci. J'aurais dû t'écouter. » Je lui rends son sourire. « Non, tu as bien fait. Ça me donne l'occasion de m'occuper de toi. Et tu sais que je n'aime rien tant que ça. » Un jeune homme à la silhouette athlétique s'avance vers nous. « Dr. Laughlin. » Il a prononcé le nom de Nathalie à l'anglaise. « Monsieur Rin, je suis François Sau, votre assistant, docteur. » L'homme est magnifique. Une peau de cuivre, des traits fins et un nez aquilin, au-dessus d'une bouche aux lèvres bien dessinées, des cheveux longs retenus vers l'arrière par un élastique, des épaules carrées, des hanches étroites. Bref, une vraie gravure de mode. Au premier abord, on dirait un Amérindien. Mais un je ne sais quoi dans son accent me ferait jurer qu'il est d'ici. Une rapide poignée de main et je demande à notre nouveau compagnon de prendre place à l'arrière à côté de Nathalie. Ils ont certainement parlé de la mission qui commence. Je monte à l'avant à côté d'Hyssen et nous démarrons en direction de l'aéroport où Zorro nous attend avec le Piper Aztec de la SST. Le trajet est bref, suffisant cependant pour que Nathalie et son assistant aient le temps de faire connaissance. Nous stoppons bientôt à hauteur d'un petit bâtiment à l'écart des principales installations de l'aéroport. L'apprenti d'Hyssen, qui nous a précédés, a déjà déchargé le matériel de Nathalie et rajoute nos bagages sur le chariot près d'un comptoir où un factionnaire à l'air bonasse et endormi vérifie rapidement nos passeports et les visas. Il connaît manifestement tout le personnel de la SST. L'impression est fugace, mais il me semble que Nathalie a un petit air bizarre. Je me penche vers elle. « Tout va bien, Nat ? Tu as l'air tout drôle. » Nathalie rougit facilement. Je l'ai déjà vu rougir à des degrés divers, mais toujours pour la même raison, lorsqu'elle est excitée sexuellement. C'était rien, juste mon assistant. Il m'a rappelé quelqu'un à qui il ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais je t'en parlerai plus tard. Elle reprend très vite le contrôle et profite de ce que sa valise est sur le dessus du chariot pour prendre son blouson et me rendre le mien. Je donne quelques consignes à Hyssen pour le retour et lui demande discrètement « Dis-moi Hyssen. » Tu connais ce François Sau ? Un peu, patron. C'est un Bororo. Les Bororo étant un sous-groupe du peuple Peul. Il a eu une bourse d'études par l'ambassade américaine et il étudie aux États-Unis, mais il revient chaque fois à N'Djamena faire des stages ou visiter la famille. D'accord. Merci, Hyssen. Tiens, voilà un petit mot pour le PCA, le président du conseil d'administration, que je n'ai pas eu le temps de remercier. À bientôt, Hyssen. À bientôt, patron. Je récupère Nathalie en contemplation devant une vieille affiche du TA qui doit dater des années 50. C'est parti. Je lui prends le bras et nous emboîtons le pas au bagagiste poussant le lourd chariot précédé de François qui maintient ouverte la porte d'accès au tarmac. Il fait toujours nuit noire et toujours aussi froid. Nathalie frissonne, mais pour respecter notre couverture, n'ose pas se blottir contre moi. Je me demande comment elle connaît ou a pu connaître quelqu'un ressemblant à François. Il ne doit pas y avoir plus de 10 Bororo dans tous les États-Unis. Peut-être un Amérindien qui lui ressemble. Sur le tarmac, la silhouette du Piper avec ses feux allumés. Un homme accroupi sous une aile se redresse. Salut, Rin. Salut, Zorro. Je crois qu'on est pile à l'heure. Super. On aura décollé avant le lever du jour. Je fais de rapides présentations. Nathalie garde un instant la main du pilote. Alors c'est vous, le fameux Zorro. Tout y est, la coupe de cheveux et même la moustache. toujours aussi facétieux, ce en quoi il va bien s'entendre avec Nathalie, Zorro lui répond. Sauf que j'ai laissé le fouet et l'épée à la maison. J'essaierai d'y penser la prochaine fois. Allez, installez-vous, il faut que je vérifie le chargement. Je monte à l'arrière avec François et laisse la place du copilote à Nathalie à côté de Zorro. C'est la meilleure place pour admirer le lever du soleil. Nathalie se tourne vers moi. Elle est masquée par le dossier de son fauteuil et en profite pour m'envoyer un bisou du bout des lèvres et me tirer un petit bout de langue. Je ne sais si l'on voit encore les étoiles dans le ciel, mais celles dans ses yeux sont bien toutes là. Avec une souplesse due à une longue pratique, Zorro se hisse dans son fauteuil, verrouille la porte, boucle sa ceinture et fait signe à Nathalie d'en faire autant. Il a déjà fait sa checklist avant notre arrivée et à peine installé, lance le moteur droit. Vérification rapide de quelques cadrans et c'est le tour du gauche. Le bruit de la cabine devient assourdissant. Zorro coiffe son casque en montrant à Nathalie comment placer le sien et positionner son laryngophone réglé en interphone tout comme le sont les nôtres à l'arrière. Nous pouvons donc tout entendre et nous parler. Mais seul le pilote peut communiquer avec l'extérieur. Il allume ses projecteurs puis échange avec la tour pour décliner son indicatif, sa destination, le nombre de personnes à bord et demander la piste. La réponse de la tour tombe du haut-parleur en plafonnier que Zorro a laissé ouvert. Le Piper bouge doucement puis accélère dès que le pilote met un peu de gaz. Cédant du palonnier, des manettes des gaz et du pas des hélices, Zorro effectue un virage à 90 degrés presque sur place. L'appareil se présente en accès piste dont la tour vient juste d'allumer le balisage. Nathalie se penche en avant pour mieux admirer les trois lignes de lumière parallèles que la perspective fait converger en un point unique là-bas tout au bout. Encore un peu de roulage, autorisation d'accès, mise en ligne de l'appareil sur l'axe et autorisation de décoller. L'avion est chargé et va avoir besoin de toute sa puissance pour s'arracher du sol. Heureusement, à cette heure encore très fraîche, la portance est au maximum. Zorro pousse progressivement et à fond les manettes des gaz, freins serrés. Le Piper vibre de toute sa carcasse. Le bruit des moteurs atteint son paroxysme. Le pilote lâche les freins, une secousse, l'accélération brutale nous cloue au siège. Je vois la main gauche de Nathalie se crisper sur son accoudoir. Il est vrai que sur un petit appareil, les sensations, en particulier au décollage, sont décuplées par rapport au gros porteur. Très vite, en même temps que l'impression d'accélération diminue, la vitesse augmente et l'appareil s'arrache du sol à peu près à mi-piste. Sans attendre, Zorro rentre le train d'atterrissage et au fur et à mesure que l'avion prend de la vitesse, rentre les volets. Nathalie n'a rien perdu de chacune des manœuvres et se penche sur sa droite, juste à temps pour voir la surface de béton s'éloigner puis disparaître pour laisser place au trou noir de fin de piste. L'avion s'élève lentement, moteur toujours à fond. Zorro tire encore légèrement sur le manche et incline imperceptiblement le Piper sur l'aile droite. Tout en montant, l'appareil prend sa route sud-sud-est. Nathalie veut se retourner pour nous parler malgré le vacarme des moteurs. Zorro lui fait signe que c'est inutile pas plus que de crier pour communiquer. Elle comprend vite et laisse libre cours à son excitation. Ce décollage, c'était génial. Ah oui, bien sûr, vous êtes tous blasés. Et moi j'ai pris un pied terrible. Oh, pardon. Je crois que ce n'est pas une expression très correcte en français. Zorro éclate de rire. Mais il n'y a pas de mal. Même les dames américaines très chic ont le droit de prendre leurs pieds. Je vois Nathalie se tourner de profil vers Zorro. Son sourire et la petite tape qu'elle donne sur l'épaule du pilote sont très éloquents. Ces deux-là ont très vite sympathisé, même sens de l'humour et même humeur taquine, tout en restant toujours très concentré, très professionnel. Zorro s'adresse à Nathalie. Nous avons atteint 10 000 pieds, notre altitude de croisière. Posez votre main droite sur la branche droite du manche et votre main gauche sur les manettes des gaz. Je vais vous guider pour réduire les gaz et en même temps, vous allez incliner le manche vers la gauche de 10 degrés, très lentement, tout en le laissant partir vers l'avant jusqu'à ce que je le bloque. Vous le sentirez. Prête pour la manœuvre ? Prête, répond Nathalie. J'ai déjà fait cette manœuvre avec lui, et je sais que c'est une de celles qui donne le plus la sensation de maîtriser l'avion. Zorro pose sa main sur la main de Nathalie et doucement, d'une légère pression des doigts sur les siens, il lui fait réduire les gaz et changer le pas des hélices. De façon synchrone, elle a parfaitement exécuté la manœuvre sur le manche. Le nez de l'avion s'abaisse en même temps que le régime des moteurs chute significativement. Tout à coup, c'est presque le silence. Du rondement des deux propulseurs, on est passé au bourdonnement, pour entendre Nathalie dire sur un ton facétieux « Copilote à tout l'équipage, j'ai encore pris mon pied. » Tout le monde rit. J'espère que nous sommes bien en mode interphone, sinon la tour de N'Djamena, sur la fréquence de laquelle nous sommes toujours calés, va nous prendre pour une bande de fous furieux. Nathalie est encore sous le coup du plaisir d'avoir piloté quelques minutes. En rentrant à Paris, je raconterai ça à mon fils, lui qui a toujours rêvé de devenir pilote. Zorro lui répond. Il peut apprendre à voler dès 14 ans. Je connais quelques bons clubs près de Paris. Le front de Nathalie se rembrunit quelques secondes. Il est encore un peu jeune, il n'a que 6 ans. Mais le problème est qu'il est handicapé, il est muet. Zorro se confond d'excuses. Désolé, je ne savais pas. Pardonnez-moi. Ce n'est rien. Vous ne pouviez pas savoir. Peut-être un jour parviendra-t-on à réparer ses cordes vocales ? Je suis sur le point de lui dire que ce sera certainement le cas, après sa puberté, lorsque Zorro nous indique de la main un point sur notre gauche. Une pâle lueur apparaît lentement plein est, mais tout est encore confus. Quelques minutes et la ligne d'horizon se dessine lentement, alors que dans le lointain de rares nuages prennent une teinte rosée. Le soleil se lève. Je sais ce qu'éprouve Nathalie à cette minute tant l'instant est irréel. Tout paraît immobile comme si l'avion n'avançait plus. Juste en dessous, jusqu'à l'horizon, c'est encore le noir de la nuit. En limite, un très fin de lumière pâle s'élargit de plus en plus vite. Le spectacle qui suit est inimaginable. Une épée de feu perce les ténèbres et tout à coup, le ciel s'embrase. Il me semble avoir entendu Nathalie gémir. Elle est hypnotisée. Son visage s'illumine doucement comme si cette lumière lui venait de l'intérieur. Tant l'émotion est forte, elle porte sa main gauche à sa bouche et l'éclair qui s'allume à son doigt fulgure dans le cockpit. La pierre de soleil vient de saluer l'astre roi, comme pour mettre celle qui la porte sous la protection des dieux. Zorro s'exclame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous vu, non? Les yeux mi-clos, Nathalie ne s'est rendue compte de rien. Je suis sûr qu'à cet instant elle prie. Remercions le Seigneur d'avoir créé tant de beauté. J'essaie de rassurer Zorro. Je crois que c'est la bague de Nathalie qui a accroché le soleil et ça fait comme un flash. Notre pilote a l'air troublé et s'en sort par une pirouette. Ça fait 10 ans que je pilote et je n'avais encore jamais vu ça. Merci, madame, vous êtes éblouissante. Il prend la main de Nat et du bout des lèvres dépose un baiser sur le bout de ses doigts. Ce bref moment de flottement se dissipe vite, trop vite, et Zorro reprend le contrôle. Le temps du flash et du baisement, il fait déjà jour. La boule de feu du soleil monte très vite. Zorro met ses Ray-Ban et invite tout le monde à en faire autant ou à fermer les yeux. De toute façon, on a encore 2 heures de vol. Je passe en automatique. Vous pouvez en profiter pour faire un somme. Nathalie a pris ses lunettes de soleil dans sa poche de poitrine et les a posées sur son nez. Elle incline la tête, m'indiquant par là qu'elle va essayer de dormir un moment. Je ne sais si les autres l'ont imité, mais plus tard, c'est le contact de Bangui prenant le relais de N'Djamena qui me réveille. Zorro leur répond en donnant un tas d'informations dont je ne retiens que l'heure d'arrivée estimée. Un bref coup d'œil à ma montre, nous atterrissons dans 10 minutes. Zorro fait signe à Nathalie qui se penche vers lui. « Nous arrivons et je vais commencer l'approche. Vous voulez bien m'assister ?»« Je veux bien, mais que dois-je faire ?» Les yeux de Nat brillent d'excitation. C'est une expérience qu'elle n'a jamais vécue et je suis sûr qu'elle ne laisserait sa place pour rien au monde. Zorro lui explique tous les détails des manœuvres d'approche et d'atterrissage et connaissant le CV de la jeune femme, n'hésite pas à lui parler de portance, vitesse, angle d'approche et volet. Pendant qu'il lui donne toutes ses explications techniques où un clerc y perdrait son latin, il lui montre les instruments dont il va falloir se servir pour poser l'appareil. À aucun moment, Nathalie ne donne l'impression d'être perdue dans ce flot d'informations. À la façon dont elle hoche la tête, je comprends qu'elle intègre parfaitement tout ce jargon technique. C'est impressionnant. J'ai là, en direct, la démonstration de ce qui se cache sous cette magnifique crinière blonde. Le rapide cours théorique de pilotage terminé, et pour qu'elle puisse ressentir les réactions de l'appareil, Zorro lui propose de passer à la pratique en prenant le manche dont il garde tout de même le contrôle. Il lui demande de mettre sa main gauche sur les manettes de gaz et pose sa main sur la sienne pour la guider. Nathalie a l'air tout à fait calme, totalement sereine, comme si elle avait parfaitement intégré la manœuvre à l'atterrissage qui pourtant est de loin la plus compliquée. Zorro lui demande de réduire légèrement les gaz en lui indiquant le nombre de tours et la vitesse à respecter. Il lui fait incliner le nez de l'appareil en poussant le manche jusqu'à se caler sous l'horizon artificiel. Nathalie obtempère et l'appareil commence son approche sur le site de la SST. Cette descente dure à peu près 5 minutes et nous amène à 1000 pieds au-dessus de la savane. À perte de vue, de grandes étendues d'herbes sèches brûlées par le soleil et parsemées d'épineux rabougris. On a du mal à croire que ce quasi-désert va redevenir verdoyant dès les premières pluies qui ne vont plus tarder. Le fleuve Chari apparaît sur la gauche et l'on distingue en bout de nez du Piper les pivots d'irrigation des plantations de canne, puis l'usine et les bâtiments administratifs. La cité cadre le long du fleuve avec sa piscine et ses jardins forme un îlot de verdure au milieu de cette grande étendue desséchée par 6 mois sans une seule goutte d'eau. Très loin, sur la droite, on aperçoit la piste de la Térite où nous allons nous poser, mais l'appareil se dirige droit sur le bâtiment principal de l'usine. Zorro donne quelques instructions à Nathalie et ensemble ils effectuent la manœuvre qui nous amène à survoler les bureaux à moins de 300 pieds. Ce passage en rase-motte est destiné à prévenir ceux qui doivent venir nous chercher d'avoir à se mettre en route. Nathalie s'étonne de la procédure. Pourquoi ne pas avoir atterri directement? Zorro répond avec un sourire amusé. Vous comprendrez lorsque nous serons posés. Le temps d'un virage sur l'aile que Nathalie, aidée de Zorro, négocie comme une pro, et nous voilà dans l'axe de la piste. Vitesse, angle de descente, volet, l'appareil est un peu chahuté par les turbulences dues à la chaleur, et dont on peut voir les effets sous la forme de micro-tornades qui apparaissent et disparaissent spontanément ici et là. Zorro reprend complètement la main et nous pose avec sa maestria habituelle. Comme les oiseaux, on dirait qu'ils sont le vent et s'y meut tel un poisson dans l'eau. Bout de piste, palonnier, inversion du pas des hélices et dans un nuage de poussière, nous tournons sur place pour nous diriger vers le hangar où nous attendent un Nissan Patrol et 2 pick-up Toyota. À peine Zorro a-t-il stoppé le Piper et ouvert les portes que Nathalie comprend pourquoi nous ne pouvions attendre que nos hôtes se mettent en route après notre atterrissage. Il fait une chaleur d'enfer. 45 degrés sous abri et il est à peine 10 heures. Nous aurions été desséchés tels des pruneaux. Les hommes descendent du patrol et viennent à notre rencontre. Le premier, brun, de taille moyenne, assez massif, le second, grand, blond et athlétique. À l'instant où Nathalie descend de l'appareil et aidée de Zorro, les deux hommes marquent un temps d'arrêt. Malgré leurs larges lunettes noires, la stupeur se lit sur leur visage. Ils attendaient une géophysicienne que sans doute ils imaginaient moustachue et ils voient débarquer un top modèle. Je rejoins le petit groupe avec Zorro et avant même l'échange de la moindre civilité, nous courons nous réfugier sous l'abri bâché qui d'ordinaire protège l'avion de la morsure ardente du soleil. Je m'assure que tout le monde a échappé à la carbonisation avant de faire les présentations. Madame Lorclaine, permettez-moi de vous présenter M. Charles Lambert, directeur des cultures de la SST, et M. Bertrand de Valois, notre ingénieur agronome. Messieurs, je vous présente Nathalie Lorclaine, géophysicienne, consultante pour la NASA, et François Sau, son assistant. Un bref échange de poignées de main, et le directeur des cultures Charles Lambert, toujours aussi économe de gestes et de mots, nous fait signe de bien vouloir prendre place dans le patrol au volant duquel il s'installe. Zorro fait signe à Sau de venir superviser le déchargement du Piper. Lambert fait monter Nathalie à l'avant et je prends place sur la banquette arrière avec De Valois. Tout en démarrant, Lambert se tourne vers moi. Monsieur Audin s'excuse de n'avoir pu venir vous accueillir lui-même. Une réunion de dernière minute avec les chefs de village. Il nous attend dans son bureau pour vérifier si les dispositions qu'il a prises pour votre séjour vous conviennent, ainsi qu'à madame... Il cherche un instant à prononcer le nom de Nathalie, puis y renonce. Soulevant des trompes de poussière rouge, le convoi s'ébranle en direction de l'usine. Les 3 kilomètres qui nous en séparent sont vite avalés, juste le temps pour Lambert d'expliquer à Nathalie que Sau va être installé dans une annexe du bureau qui leur a été réservée, ce qui, comme elle l'a demandé, lui permettra d'avoir un œil sur le délicat matériel de mesure. Le bâtiment administratif est situé près de l'usine. De forme rectangulaire, il se caractérise par son patio central autour duquel court une galerie couverte protégeant les bureaux des ardeurs du soleil. Lambert nous a précédés pour s'enquérir de la disponibilité du directeur. Je me porte à la hauteur de Nathalie, me penche à son oreille. « Ça va ?» Sourire heureux, mais tout de même un peu inquiet. « J'ai l'impression d'être sur une base de la planète Mars. Toute cette terre rouge, cette poussière, cette chaleur. » Je ne la rassure pas en lui précisant. « J'ai parlé avec de Valois pendant le trajet. On va atteindre les 51 degrés sous abri vers 13h. » Mou d'inquiétude et sourire pincé. « J'essaierai d'y survivre. » Lambert s'arrête devant la porte d'un bureau, frappe, ouvre la porte et passe la tête à l'intérieur. Bref échange avec une dame si l'on en juge par la voix qui lui répond. Il referme la porte. « C'est bon, on peut y aller. Monsieur Audin nous attend. » Porte suivante, même cérémonial, mais cette fois il s'efface pour nous laisser passer. Très grande pièce, meublée à droite d'un immense bureau encombré de dossiers et de paraffeurs. À gauche, un salon avec deux canapés et quatre fauteuils autour d'une table basse. Au mur, des rayonnages chargés d'une littérature technique et de divers échantillons de sucre dans des bocaux rangés suivant les années de production. Monsieur Audin, le directeur d'exploitation, est un homme d'une cinquantaine d'années, mince, le cheveu rare, jean et chemise blanche à manches courtes de rigueur sous un tel climat. Souriant, il me tend la main. Monsieur Rine, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Un peu hypocrite tout de même. Pas plus que les autres directeurs de plantation, il n'aime voir débarquer les missiles dominici du siège parisien. Je fais les présentations dans les règles et tout comme ses collaborateurs, il reste scotché en découvrant la consultante de la NASA. Il se reprend, rend sa main à Nathalie, bafoue quelques mots. Asseyez-vous. Vous devez avoir soif. Il appelle sa secrétaire et lui demande de nous approvisionner en boissons fraîches. Chacun installé et désaltéré, notre petite réunion peut débuter. Je fais un bref résumé de la mission de Nathalie et de l'assistance que le siège s'est engagé à lui apporter. La DE, ainsi que les autres participants, ne peuvent cacher leur surprise en apprenant qu'outre son double doctorat, Nathalie est aussi conseillère scientifique de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. À voir leur tête, je parie que cette visite sera au centre de toutes les conversations de la cité cadre pendant les prochaines semaines. Monsieur Audin nous confirme que nous logerons dans la grande case. Cette villa VIP est située au bord du fleuve en face de celle du DE et juste à côté de la case occupée par monsieur et madame de Valois, qui en plus d'être l'épouse de son ingénieur agronome de mari, est aussi chef du laboratoire de l'usine. Connaissant le planning chargé de Nathalie au niveau de ses relevés sur le terrain, M. Audin nous précise qu'un patrouille 4x4 avec son chauffeur sera à notre disposition pour toute la durée du séjour. La dernière recommandation qu'il fait à Nathalie avant de prendre congé est de limiter ses sorties en brousse aux premières heures de la matinée si elle ne veut pas risquer un coup de chaleur pouvant être d'autant plus grave qu'elle n'est pas habituée à un tel climat. Avec un petit sourire provocateur, je ne peux m'empêcher de lui assurer que je veillerai personnellement à la santé de Mme Lorlaine. Nathalie, qui a capté la réplique, me fusille du regard, mais si j'en crois la moue malicieuse, ce fusil-là n'était pas chargé. Je fais d'ailleurs tout de suite diversion en demandant à Audin de bien vouloir autoriser Bertrand de Valois à nous accompagner toute la matinée de demain pour la visite coutumière au chef de village. Bien que les consignes du siège lui précisaient que de Valois devait se tenir à la disposition de Nathalie, il n'était pas prévu qu'il nous accompagne pour cette tournée diplomatique dont je pouvais me charger seul. Ma demande n'est pas innocente. Dès l'arrivée, j'ai tout de suite noté une tension très nette entre de Valois et Lambert, et mon impression s'est confirmée lorsque j'ai retrouvé la même réserve avec Audin. J'avais déjà noté cette tension lors de ma dernière mission, mais n'y avais pas attaché trop d'importance. Là, non seulement ça se prolonge, mais ça s'accentue et ce n'est pas normal. Pour conclure l'entretien, Audin nous explique que le restaurant du Club des Cadres est devenu depuis peu un 3 étoiles avec l'embauche d'un chef camerounais ayant longtemps travaillé au Sofitel de Yaoundé. Par ailleurs, notre carnet de dîner ne tardera pas à se remplir, chaque cadre souhaitera nous avoir à sa table. En sortant, j'explique à Nathalie que c'est la tradition sur la plupart des plantations, mais que ce sera nous de gérer nos invitations en fonction de notre planning. Les distractions sont rares sur les complexes et la visite des Parisiens et l'occasion de rompre un peu la monotonie de leur vie en vase clos. Je souligne ce que sa présence veut avoir d'exceptionnel. En plus, aujourd'hui, ils ont la visite d'une Américaine, consultante à la NASA et conseillère scientifique de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. C'est comme si la toute petite plantation de la SST était devenue tout à coup le centre de l'univers connu. Nathalie, qui ne se voit jamais comme la personne d'exception qu'elle est, tant par sa beauté que par son intelligence et ses talents, me fait une moue étonnée. Je ne peux la prendre dans mes bras, mais ne résiste pas à lui glisser à l'oreille avec bien entendu un air très professionnel. Mais avant toute chose, ce qui te rend exceptionnel à mes yeux, c'est ta modestie. Je ne sais si le personnel qui s'est massé derrière les fenêtres des bureaux pour la voir passer sous la galerie l'a remarqué, mais Nathalie a rougi. Est-ce le compliment ou la sensation de mon souffle si près de son oreille? Il faudra que je lui demande ce soir lorsque nous serons enfin seuls. Pour l'heure, je me contente de l'escorter jusqu'au patrol tout en prenant rendez-vous avec Devalois pour demain matin. On démarre demain à 7h. Merci de vous charger du programme de la tournée des chefs de village. Avec un sourire, il porte un doigt à la visière de sa casquette en signe de hockey. Je laisse Nathalie grimper sur son siège et m'installe au volant. Direction les locaux mis à sa disposition pour y installer son QG et le logement de François Sault. C'est un petit bâtiment côté fleuve, à l'entrée de la cité cadre, tout près du club, de sa piscine et du restaurant. Je profite de ce que nous sommes seuls quelques minutes. Désolé de n'avoir pu te tenir la portière tout à l'heure et surtout, désolé de n'avoir pu t'embrasser. Elle me regarde en inclinant légèrement la tête. Elle sait que la courbe de son cou et ses yeux mi-clos me font complètement craquer. Fronçant les sourcils, elle demande. « Je comprends très bien. Là où les raisons qui t'ont empêché de m'embrasser, mais pas vraiment, celles qui t'interdisent de me tenir la portière. » Elle observe avec un petit air mécontent de pure façade. « C'est la première fois depuis que l'on se connaît. Je ne sais pas trop comment lui expliquer, mais je me lance. Tu sais, ici, comme dans presque toute l'Afrique, c'est un geste inconcevable, presque un geste de soumission. Il ne pense pas comme nous, et n'ont ni la même culture, ni la même logique. À défaut de le comprendre, il faut l'accepter, car sinon tu as des chances de très vite ne plus pouvoir les supporter, et de devenir raciste. L'avantage que j'ai sur toi, et qui fait que je te sers de guide, c'est que j'ai acquis une partie de cette culture et que je peux penser comme eux. » Je marque une pause pour conclure et négocier le virage qui nous amène devant son QG. Ne jamais oublier que nous sommes sur leur terre et que c'est à nous de nous adapter et non l'inverse. La colonisation a déjà fait beaucoup de dégâts en essayant de les contraindre à renoncer à ce qu'ils sont. Nathalie m'écoute attentivement. Elle se gratte le bout du nez, signe d'intense réflexion. Je complète ma pensée. Si fueris Romae, Romano vivito more. Si fueris alibi, vivito sicutibi. Autrement dit, si tu es à Rome, vis comme les Romains, si tu es ailleurs, vis comme on y vit. Nathalie me regarde éberluée. C'est une citation de saint Ambroise qui fait référence au voyage de saint Augustin à Rome. Ça date du IVe siècle, mais c'est toujours aussi vrai aujourd'hui. Je viens de me garer devant son QG sous un arbre aussi rachitique que son ombre, juste à côté du pick-up qui a transporté le matériel. Le chauffeur est assis sur un petit banc de bois à l'ombre du bâtiment. Nathalie a une main sur la poignée de la portière, mais ne se décide pas à descendre. Elle me regarde fixement. « Tu as étudié au séminaire ?» Je ris. « Non, je n'ai jamais fait le séminaire. Ce sont juste les restes de 3 années de latin de la 6e à la 4e, mais puis tu sais que j'ai un faible pour l'histoire. Je me suis intéressé à saint Augustin parce qu'il était kabyle et de fil en aiguille. Enfin voilà, j'ai retenu cette maxime. » Nathalie écarquille ses grands yeux bleus. Elle me singe. Je me suis intéressé à saint Augustin. Et je cite saint Ambroise en latin. Et je passerai peut-être mon bac un de ces jours. Ses yeux au fond des miens sont pleins d'admiration. Sais-tu, Jeanrine, que tu peux être agaçant. Agaçant, mais impressionnant, et je suis vraiment impressionné. Son regard est doux comme une caresse. Elle descend de voiture et je la suis. La chaleur nous écrase immédiatement. La transpiration n'a même pas le temps de se former qu'elle est déjà évaporée, et nous n'osons même plus parler tant nous craignons que nos langues ne se dessèchent dans nos bouches. Je pousse la double porte et cette fois, sans témoin, m'efface pour la laisser passer. Son regard et aussi beaucoup d'autres choses me disent qu'elle est sensible aux gestes. La façon dont elle accentue le balancement de ses hanches me confirme le message. C'est carrément une provocation. Aurait-elle oublié que François nous a précédés? Je ne le crois pas. mais comme à l'ordinaire, elle ne peut résister au plaisir de me taquiner. Je suis certain que si elle avait été en jupe au lieu d'un pantalon, elle... Stop. Il vaut mieux que je me calme, parce que je sais pertinemment qu'avec une telle chaleur, elle n'aurait pas résisté une fois de plus au plaisir de s'affranchir du port d'un sous-vêtement. Elle se retourne et jette un regard par-dessus son épaule, moins pour s'assurer que je la suis que pour me dire avec un petit clin d'œil et en plissant son nez qu'elle sait très bien que sa chute de rein a encore fait mouche. Le couloir du petit bâtiment est relativement frais. Une transition avant de pénétrer dans le bureau qui lui a été attribué, et là, c'est un vrai bonheur. La climatisation y est plus que convenable.